27. Activation, pronunciation, division into syllables. Listen and repeat. 1. Le français. 2. La Bible. 3. Salut. 4. Malade. 5. Le resto U. 6. Bonjour. 7. Bon appétit. 8. Comment vas-tu? 9. Comment allez-vous?